j'entends rien. Pas besoin de ça pour être bien. Et dire que tu sais ça, balancer tout ça sur toi. Mais moi je ne dis rien, pas besoin de.